l'éclat de ta beauté naturelle. Beauté inaltérable et surtout éternelle. Tristement couverte par un masque de haine. Que tu n'ôtes que de manière occasionnelle afin de nous montrer combien tu es belle. Tous les deux nous marchions, tu étais devant moi. Une légère brise m'apporte et ton odeur à toi. Celle qui saurait m'enivrer malgré moi et pour laquelle mon cœur ne battrait que pour toi. La nuit je nous imagine la main dans la main, oubliant nos malheurs, marchant au loin. Si l'amour existe, ne reste pas si triste. Tes longs cheveux au vent, ton regard bleu trop blanc, la pâleur de ta peau.